Je suis la grosse tête du réseau, en cavale jusqu'à Malaga. Je suis le ballon, la moto qui dérange monsieur Camara. Je suis la sœur qui se débrouille, prends exemple sur celle d'Adama. Et je suis le bruit des menottes, le regard déçu au parloir. Je suis le sourire de l'huissier devant les larmes de la maman. Je suis la drogue dans les veines, Yankee défile en bas de chez moi. Petit frère, tu vaux des millions, tu vas signer Psertec pour toi. Les jaloux veulent pas te voir en haut, ils préféraient te voir en bas. J'ai fait des choses qu'il fallait pas. Traîner dehors jusqu'à pas d'heure, maman. J'ai tout planqué sous la Canada. T'as trop souffert, je savais pas. Aïe aïe aïe aïe. J'ai trop le charme du ghetto, je cours derrière toutes les nanas. On a sorti tous les gamos, tu t'es marié gros machallah. Je suis la mama au marché, sourire aux lèvres mais ça va pas. Je suis l'épicier du quartier, je connais tout le monde mais on me carna. J'ai grandi seul, mes parents sont partis trop tôt. Frère enfermé, je t'envoie des lettres, tu sors bientôt. Grand-mère m'a dit, je suis pas d'ici, trop loin de chez moi. Papa m'a dit, j'ai trop taffé, j'ai mal au dos. J'ai fait des choses qu'il fallait pas. Traîner dehors jusqu'à pas d'heure, maman. J'ai tout planqué sous la Canada. T'as trop souffert, je savais pas. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. J'ai vu trop de rêves se briser dans le ghetto. Encore une balle, des histoires dans la zone. J'ai fait tant de mal. J'ai fait des choses qu'il fallait pas. Traîner dehors jusqu'à pas d'heure, maman.